إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence le cours 27 aujourd'hui dans l'explication de Al-Usul al-Thalatha avec le sharh de Cheikh Saleh al-Fawzan. On est arrivé maintenant à l'explication donc du deuxième fondement de Al-Usul al-Thalatha, hein, c'est-à-dire Al-Usul al-Thani, Ma'rifatuddin al-Islam, de connaître la religion de l'Islam. Donc on a expliqué l'introduction de ça au dernier cours, maintenant on continue inshallah avec l'explication des piliers de l'Islam. Donc le Cheikh il explique, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit Arkanu l'Islam, Shahadatu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ma'naha wa daliluha. Fa arkanu l'Islam, khamsa, Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. Donc le cheikh maintenant il explique les piliers de l'islam. Et le premier donc c'est le témoignage que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. La signification de la ilaha illallah est la preuve à ce sujet-là, la preuve de cette signification, c'est ce qu'on va expliquer maintenant. Donc le cheikh il explique que l'islam il est établi sur 5 piliers. Le premier pilier c'est de témoigner que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Le deuxième pilier c'est d'établir la salat. Le troisième pilier c'est de donner la zakat. Et le quatrième pilier c'est de faire le jeûne du Ramadan. Et le cinquième pilier, c'est de faire le hajj hein, à la maison que Allah subhanahu wa ta'ala a établie, c'est-à-dire la Kaaba, la Baytullah al-Haram. Donc, le Cheikh al-Fawzan, maintenant, il va nous expliquer cette partie-là, et en particulier la signification du témoignage de la ilaha illallah, qui est le premier des cinq piliers. On va expliquer qu'est-ce que ça signifie. شيخ الزي فأركان لا يقوم الإسلام إلا على هذه الأركان فإذا فقدت فإن الإسلام لا يستقيم وبقية الطاعات مكملات لهذه الأركان كل الطاعات وأفعال الخير كلها مكملات لهذه الأركان ولهذا سأل جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرة الصحابة قال أخبرني عن الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا تصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ففسر الإسلام بأنه هذه الأركان الخمسة ولكن حديث ابن عمر بين أن هذه الخمسة هي مبادئ الإسلام مباني الإسلام هي مباني الإسلام فقال بني الإسلام على خمس أي أن هذه الخمس ليست هي الإسلام ليست هي الإسلام كلها أو كله يعني ولكنها أركانه ومبانيه التي يقوم عليها وبقية المشروعات مكملات ومتممات لهذه الأركان. Donc le cheikh il explique que l'islam il est donc établi sur ces cinq piliers. Et il ne peut pas y avoir d'islam sans ces cinq piliers. Et si ces cinq piliers sont perdus, alors l'islam ne peut plus se tenir. Et le reste des autres, le reste des actes d'obéissance et d'adoration qu'on fait dans l'islam sont en fait des choses qui viennent compléter ces cinq piliers-là. Donc, l'islam, c'est pas seulement ces cinq piliers, mais c'est les bases. Hein, sur lesquels le reste de l'islam est établi. Et il y a d'autres actes d'adoration et d'obéissance qui sont ordonnés par Allah subhanahu wa ta'ala dans l'islam qui viennent compléter ces cinq piliers. Donc, lorsque Jibril alayhi salam est venu voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith très célèbre et qu'il a demandé, hein, lorsqu'il était en présence des sahaba, il lui a demandé « Informe-moi au sujet de qu'est-ce qu'est l'islam ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant que l'islam, c'est de témoigner que la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, c'est-à-dire de témoigner que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, d'établir la salat, de donner la zakat, de faire le jeûne du ramadan, hein, et de faire le hajj lorsqu'on a là la capacité. Donc ça c'est dans le hadith qu'on connaît, qui est le hadith de Jibril, qu'on va expliquer par la suite, inshallah. Donc, il a expliqué l'islam par ses cinq piliers. Sauf que dans un autre hadith, qui est le hadith de Ibn Omar, hein, il dit que ces cinq piliers-là, ce ne sont pas l'islam en entier, mais ce sont les bases de l'islam, et que l'islam est bâti sur ces cinq-là. Donc, ce n'est pas l'islam en entier, mais ce sont les bases de l'islam, et c'est sur ces cinq piliers-là que le reste de l'islam se tient. Et les autres actes, ou les autres ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, viennent en fait pour compléter et parfaire ces cinq piliers. Ensuite, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il donne la preuve du témoignage de la ilaha illallah dans le Coran. Il mentionne le verset 18 dans sourate Al-Imran dans lequel il dit شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Donc ce verset, qu'est-ce qu'il signifie donc dans le par rapport au témoignage? Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté lui, de même que ses anges et ceux qui détiennent la science, en toute justice. Rien ne mérite d'être adoré excepté lui, il est le Tout-Puissant et le Sage. Maintenant, le Cheikh Al-Fawzan, il va nous expliquer ce verset en détail, et nous expliquer qu'est-ce qu'il signifie. Donc le Cheikh, il explique, il dit « قَوْلُهُ تَعَالَى شَهِدَ أَيْ حَكَمَ وَقَضَى وَأَعْلَمَ وَبَيَّنَ وَأَلْزَمَ فالشهادة من الله تدور على هذه المعاني الخمسة الحكم والقضاء والإعلان والبيان والإلزام. Donc le cheikh explique que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans ce verset qu'il a témoigné, ça signifie cinq choses. Ça signifie qu'il a jugé, qu'il a décrété, qu'il a su, qu'il a enseigné, qu'il a clarifié et qu'il a imposé. Ça signifie ces cinq choses-là. Hein? Donc, la signification ici de shahida, le cheikh dit ma'na shahida, ay qada subhanahu wa a'lama wa akhbara wa alzama ibadahu bithalika annahu la ilaha illahu. Donc, ça signifie de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a témoigné, ça signifie qu'il a décrété, qu'il a enseigné, qu'il a informé, qu'il a imposé à ses serviteurs cette chose, c'est-à-dire de savoir, de connaître et de respecter le fait que rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Et il dit « La ilaha, la nafiya, تنفي جميع ما عبد من دون الله وإلا الله مثبت العبادة لله وحده. C'est-à-dire que la ilaha, c'est une négation. La, c'est une négation qui vient dans cette parole, dans ce témoignage, nier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, la ilaha, ça veut dire rien ne mérite d'être adoré. Et l'affirmation par la suite, illallah, qui vient affirmer que l'adoration appartient uniquement à Allah. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est quelque chose qui doit être nié et rejeté. Et la seule chose qui doit être affirmée, c'est l'adoration d'Allah seul. Ensuite, il explique la signification de la ilaha illallah. Il dit, « Wa ma'na la ilaha illallah, ay la ma'bouda bihaqqin illallah, subhanahu wa ta'ala. Amma man abada ghayrallah, fa inna ibadatahu batila. » لقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير فشهد لنفسه سبحانه وتعالى بالوحدانية وهو أصدق القائلين وشهادته سبحانه وتعالى أصدق الشهادات لأنها صادرة عن حكيم خبير عليم يعلم كل شيء فهي شهادة صادقة. Donc, le cheikh explique que la signification de la ilaha illallah ou la ilaha illahu, ça veut dire rien ne mérite d'être adoré ou rien n'est adoré en vérité excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qui est adoré autre que Allah, alors cette adoration-là, elle est fausse. Tout ce qui est adoré en dehors de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une adoration qui est fausse et qui est nulle, qui n'a aucune valeur. Hein? Les qawlihi ta'ala, à cause de la preuve de ça dans le verset, dans lequel il dit, dans le verset surat al-Hajj, dans le verset 62, il dit, « ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ » Et ceci parce que Allah, c'est lui qui est la vérité. « وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ » Et ce qui est adoré en dehors de lui, ou ce qui est invoqué, ou ce qu'ils invoquent en dehors de lui, c'est le faux. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala est le très haut et le très grand. Donc il témoigne pour lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est celui qui détient l'unicité, qui est unique et qui est le seul à mériter d'être adoré. Et il est le plus véridique de ceux qui parlent. Hein? Donc, dans toutes les paroles, c'est lui qui est le plus véridique. Et il témoigne, et son témoigne est le plus véridique de tous les témoignages. Et pourquoi? Parce que ce témoignage, il vient de la part d'un sage, d'un bien informé, d'un omniscient, hein? Qui connaît toutes choses. Et donc, c'est un témoignage qui est véridique. Et on voit que dans le verset 18, dans surat Al-Imran qu'on a lu hein, comme preuve au début, il dit que Allah a témoigné que rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Et ensuite, il dit « ainsi que les anges et les hommes qui détiennent la science ». Donc, « ainsi que les anges », le cheikh explique maintenant que signifie le témoignage des anges. Il dit « wal malaika shahidu annahu la ilaha illahu ». وهم عالم خلقهم الله لعبادته وملائكة كرام عباد مكرمون خلقهم الله لعبادته يسجدون الليل والنهار لا يفترون وأيضا خلقهم الله لتنفيذ أوامره في الكون ووكل إليهم تنفيذ أوامره أو تنفيذ ما يأمر به سبحانه وتعالى من أمور الكون فكل ملك منهم موكل بعمل وشهادتهم شهادة صدق لأنهم أهل علم وعبادة ومعرفة بالله عز وجل وهم من أفضل الخلق على الخلاف هل صالح البشر أفضل من الملائكة أو الملائكة أفضل من صالح البشر على خلاف. Donc le cheikh explique que les anges Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne que les anges témoignent, ils ont témoigné eux aussi que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et ils sont un monde, c'est, les anges font partie d'un monde que Allah a créé. C'est une autre dimension, une autre création qu'on ne peut pas voir dans ce monde, que Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Il les a créés pour qu'il l'adore. Allah a créé les anges pour que les anges l'adorent. Et ces anges-là sont des anges nobles, sont des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont respectés et nobles. Allah les a créés pour son adoration. Et ils se prosternent jour et nuit, sans arrêt. Et ils ne se lassent jamais d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne se fatiguent jamais d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala les a créés pour mettre en exécution ses ordres et ses commandements dans l'univers. Donc, ils sont créés pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont créés pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la charge d'exécuter certains de ses ordres dans l'univers et certains de ses commandements. Et chacun, il a sa responsabilité. Chaque ange, il a sa tâche et sa responsabilité de faire un travail spécifique. Et donc, le témoignage de ces anges est un témoignage véridique, parce qu'ils sont des êtres d'adoration, des êtres de science, des êtres qui ont la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils sont parmi les meilleures créatures que Allah subhanahu wa ta'ala a créées, si on prend en considération la divergence qui existe. Parce qu'il y a une divergence au sujet de qui est-ce qui est meilleur entre les hommes qui sont bons et les anges. Est-ce que les anges sont meilleurs que les hommes pieux? Ou est-ce que c'est les hommes pieux qui sont meilleurs que les anges? Donc, il y a une divergence à ce sujet-là. Hein? Mais le cheikh, il ne rentre pas dans les détails à cette question-là. Wa alaykoum salam. Donc, le cheikh, il explique ensuite les autres qui viennent après les anges, qui ont témoigné de la ilaha illallah, ce sont les hommes de science. Ulul ilm wa ulul ilm sinfan. Malaikatun wa sinfu thani. أولو العلم من البشر وأولو العلم لا يشهدون إلا بما هو حق بخلاف الجهال لا اعتبار بشهادتهم وكل عالم من خلق الله يشهد من خلق الله يشهد لله بالوحدانية وأنه لا إله إلا هو وهذا فيه تشريف لأهل العلم حيث إن الله قرن شهادتهم مع شهادته سبحانه وتعالى وشهادة ملائكته. Donc le cheikh, il dit que les hommes de science ou ceux qui détiennent la science sont de deux catégories. Les anges et la deuxième catégorie sont les hommes parmi les êtres humains qui détiennent de la science ou du savoir. Et cela, il témoigne par un témoignage de vérité, contrairement aux ignorants. Hein? Les gens qui sont ignorants, on ne tient pas en considération, on ne prend pas en considération leur témoignage. Tandis que toute personne qui est savante, parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il témoigne de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala pour Allah. Et que rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Et il y a donc dans cette parole, dans le verset, un honneur qui est fait aux hommes qui détiennent la science et aux hommes de science. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a associé son témoignage à leur témoignage. Il a associé leur témoignage à son témoignage et au témoignage des anges aussi. Ça montre le respect et l'honneur qu'ont les hommes qui détiennent la science parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. واعتبر شهادة أهل العلم من الخلق ودل على فضلهم وشرفهم ومكانتهم على أعظم مشهود به وهو التوحيد. Et donc, le cheikh, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a pris le témoignage des hommes de science parmi ses créatures comme étant, hein, il les a pris en considération, il a pris leur témoignage en considération, et ça, ça prouve et ça indique le mérite et la noblesse et le degré et le statut, hein, de ces hommes-là, parmi les hommes qui ont la science, parmi les créatures d'Allah, qui les a fait témoigner ou qui a pris leur témoignage pour la chose qui est la plus grande de toutes. C'est quoi cette chose? C'est le tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala a pris le témoignage de ces hommes sur la chose qui est la plus importante de toutes, c'est-à-dire le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a pris leur témoignage pour ça. Ensuite, le shaykh, il dit, « Wal muradu bi ulil ilm, ahlul ilm shara'i, la kama yakuluhu ba'dun nas. » Ba'dun nas, yakulun, yani rubbama, le shaykh, il explique que, qu'est-ce qu'on veut dire par les hommes de science ici? On veut dire les hommes de science qui détiennent la science de la charia. Les hommes de science qui détiennent la science de l'islam, de la charia d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de la révélation. Non pas comme le disent certains. Là, comme يقوله بعض الناس, إن أهل العلم المراد بهم أهل الصناعة والزراعة. فهؤلاء لا يقال لهم أهل العلم على الوجه على وجه الإطلاق. لأن علمهم محدود مقيد. بل يقال هذا عالم بالحساب وعالم بالهندسة وعالم بالطب لا يقال لهم أهل العلم مطلقا لأن هذا لا يطلق إلا على أهل العلم الشرعي. Le cheikh il clarifie un point très important, surtout à notre époque. Il dit que c'est pas comme certaines personnes qui disent, par exemple, qu'est-ce qu'on veut dire par les hommes de science, les hommes de qui font partie de, des gens qui font par exemple de l'artisanat, ou bien qui connaissent l'agriculture, ou les hommes qui par exemple connaissent le calcul ou l'ingénierie ou la médecine, hein. Il dit ça, c'est pas de ceux-là dont on parle quand on parle des hommes de science. On parle pas des gens qui étudient la science naturelle ou les sciences, la chimie, la physique, les maths, et les autres sciences modernes, actuelles. Ça, c'est pas de cette science-là dont on parle ici. Le cheikh, il dit, quand on utilise le terme les sciences ou bien les hommes de science de façon absolue, hein, sans l'associer à autre chose, dans ce cas-là, on parle automatiquement de la religion. On parle automatiquement de la charia. Tandis que si on parle d'autres sciences que de la science de la religion, alors on doit spécifier. C'est-à-dire, on va dire la science du calcul, ou bien un savant du calcul, ou un savant de chimie, ou un savant de médecine, ou un savant d'ingénierie, ou ainsi de suite. On ne va pas dire un savant seulement, comme ça. Ça, c'est seulement les hommes de science qu'on désigne comme étant des hommes de science dans la charia. Seulement ceux-là. Le cheikh dit aussi, أكثر هؤلاء أهل علم دنيوي وفيهم ملاحدة يزيدهم علمهم غالبا جهلا بالله عز وجل وغرورا وإلحادا كما تشاهدون الآن في الأمم الكافرة إنهم متقدمون في الصناعات وفي الزراعة ولكنهم كفار فكيف يقال إنهم أهل علم أهل العلم الذين ذكرهم الله في قوله وأولي العلم وأولي العلم هذا غير معقول أبدا. Donc le cheikh il dit que de même que ceux-là sont les savants de sciences, médecine, les sciences de les gens qui sont des savants en chimie ou des savants en physique ou des savants en mathématiques ou des savants en biologie ou autres. Eh bien, ceux-là, ce sont la plupart d'entre eux des savants, des choses qui sont au sujet des sciences de la dunya, les sciences de ce bas monde. Et en général, leur athéisme ne fait, ou bien plutôt que ce sont des athées, et leurs sciences ne les font qu'augmenter en ignorance à propos d'Allah, et ne fait que les augmenter en tromperie et en athéisme. Et en négation. Et ça, vous pouvez le constater dans les nations mécréantes, des gens qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne sont pas soumis à Allah, vous voyez qu'ils sont très avancés dans les techniques et dans l'agriculture ou dans d'autres domaines de la science et de la modernité. Toutefois, ce sont des koufars, ce sont des mécréants. Donc comment on pourrait dire à propos de ces gens-là qu'ils sont des hommes de science dans lequel, à propos duquel Allah parle d'eux dans, il parle dans ce verset lorsqu'il parle des hommes de science et qu'ils témoignent avec Allah subhanahu wa ta'ala que rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Est-ce que c'est de ceux-là dont Allah parle dans ce verset? Non, il ne parle pas des physiciens ou des médecins ou des docteurs ou des chimistes. Il parle des gens qui connaissent Allah et qui connaissent sa loi, qui connaissent sa révélation et qui le craignent et qui croient en lui et qui défendent la vérité, qui défendent sa parole, et non pas des hommes qui ont appris des sciences de la dunya mais qui ignorent tout de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-là ne sont pas considérés comme étant ces hommes de science. Et ça, c'est complètement illogique de croire que ceux-là sont les hommes de science dont Allah parle dans ce verset. Il dit ensuite: وكذلك قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء المراد علماء الشرع الذين يعرفون الله حق معرفته ويعبدونه حق عبادته ويخشونه. Donc le Cheikh il dit, quand Allah il dit dans le verset, dans sourate Fatir, le verset 28, c'est uniquement ceux qui craignent, c'est uniquement les savants qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala parmi ses serviteurs. Qu'est-ce qu'on veut dire par les savants ici? On parle des savants, ceux qui connaissent Allah, qui connaissent la sharia, les savants de la sharia, de la révélation. C'est eux qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala correctement, et qui l'adorent comme il mérite d'être adoré et qui le craignent. Ce sont eux les hommes de science, Amma ha'ula فأغلبهم لا يخشون الله بل يكفرون بالله ويجحدونه ويدعون أن العالم ليس له رب وإنما الطبيعة هي التي توجده وتتصرف فيه كما هو عند الشيوعيين إنهم ينكرون الرب سبحانه وتعالى ومع أن عندهم مع أن عندهم علما دنيويا كيف نقول إن هؤلاء هم أهل العلم هذا غلط فالعلم لا يطلق إلا على أهله وهو لقب شريف لا يطلق على الملاحدة والكفار ويقال هؤلاء أهل علم. Donc le Cheikh il dit, en ce qui concerne les autres, ceux qui apprennent les sciences de la dunya, la plupart d'entre eux ils ne craignent pas Allah. La plupart d'entre eux même, ils nient la foi en Allah, et ils rejettent la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et ils prétendent que ce monde n'a pas de créateur, n'a pas de seigneur. Ils croient que tout ce qui existe, c'est uniquement créé par la nature, et que la nature, elle se transforme par elle-même, et elle bouge par elle-même, comme chez les communistes, et ceux qui rejettent l'existence d'Allah. Et ils nient le Seigneur, le Créateur, le Maître. Donc, malgré que ces gens-là possèdent plusieurs sciences dans la science de la dunya, mais bien entendu, cette science-là, c'est pas suffisant. Le Cheikh il dit, comment on pourrait dire donc de ceux-là que ce sont eux dont on parle dans ce verset comme étant les hommes de science? Ça, c'est une erreur. Il dit, la science, on ne l'applique que aux gens qui la détiennent, et qui le détiennent réellement, et ça c'est un titre de noblesse, qu'on n'applique pas aux athées et aux koufars. On ne dit pas à ceux-là qu'ils sont des hommes de science. Et dans un verset, le Cheikh il n'a pas mentionné ici, mais dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans sourate Ar-Rum: يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. C'est-à-dire, ils connaissent, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ils connaissent qu'est-ce qui est apparent des choses de la dunya, mais ils sont insouciants de qu'est-ce qui a rapport avec l'au-delà. Donc Ce ne sont pas des vrais savants. Et également, on a entendu de la part de certains modernistes parmi les islamistes parfois qu'ils vont mentionner les hommes de science parmi les koufars qui connaissent la science de la dunya, et ils disent que parfois certains d'entre eux ont montré qu'ils étaient disons éblouis par la façon dont ce monde était créé et qu'ils ont reconnu que ce monde-là ne pouvait pas exister par lui-même et qu'il doit y avoir un créateur et un maître, quelqu'un qui est omniscient et sage derrière cette création. Toutefois, même s'ils affirment l'existence d'un Dieu créateur, sage et tout-puissant, eh bien, il faut bien comprendre, comme on va le voir tout à l'heure, que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant d'affirmer l'existence d'Allah pour être un croyant. C'est-à-dire que le musulman, ce n'est pas uniquement quelqu'un qui affirme que Allah existe ou que Dieu existe, mais c'est celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'adore que lui. Si quelqu'un dit « je reconnais que Dieu existe, mais qu'il ne croit pas en les messagers que Allah a envoyés à l'humanité, il ne croit pas en les livres que Allah subhanahu wa ta'ala a révélés à ses messagers, il ne croit pas aux ordres et aux lois et aux règles que Allah subhanahu wa ta'ala a révélées sur la création, et il ne croit pas qu'il est nécessaire de se soumettre et d'adorer ce créateur, hein, et de lui obéir dans ses ordres, alors cette reconnaissance de l'existence d'un créateur n'a aucune signification et ne lui servira à rien au jour de la résurrection, puisque ce n'est pas suffisant de reconnaître que Dieu existe de cette façon-là. Et ça, c'est l'attitude de plusieurs d'entre les scientifiques. Il y a des gens qui ont étudié les sciences de la dunya parmi les occidentaux, qui reconnaissent parfois l'existence d'un Dieu, mais qui ne reconnaissent rien de plus et qui n'affirment pas qu'est-ce que Allah a affirmé dans sa révélation. Donc ce ne sont pas des croyants, même s'ils croient en l'existence d'un Dieu. Le cheikh, il dit ensuite, نعم فالملائكة وأولو العلم شهدوا لله بالوحدانية إذن لا عبرة بقول غيرهم من الملاحدة والمشركين والصابئين الذين يكفرون بالله عز وجل هؤلاء لا عبرة بهم ولا بقولهم لأنه مخالف لشهادة الله وشهادة ملائكته وشهادة أولي العلم من خلقه. Donc, le cheikh, il dit donc qu'on ne doit pas prendre en considération la parole d'autres que les hommes de science de la religion, parmi les athées, parmi les mouchriquines, parmi les philosophes et les gens qui font partie des peuples qui adorent les étoiles ou qui faisaient partie de ces peuples-là, qui rejettent la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Cela, on ne prend pas leur parole en considération, parce qu'il est en contradiction avec le témoignage d'Allah subhanahu wa ta'ala et le témoignage de ses anges et le témoignage des hommes de science parmi ses créatures. Le cheikh, il dit ensuite, « وَقَوْلُهُ قَائِمًا بِالْقِسْطِ مَنْصُوبٌ عَلَى الْحَالِ مِنْ شَهِدَ أي حالة كونهم قائما سبحانه وتعالى حالة كونه قائما سبحانه وتعالى والقسط العدل أي أن الله سبحانه قائم بالعدل في كل شيء والعدل ضد الجور وهو سبحانه وتعالى حكم عدل لا يصدر عنه إلا العدل في كل شيء. Donc le cheikh, il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne à la suite qa'iman bil qist. Donc Allah témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté lui, de même que les anges, de même que les hommes qui détiennent la science, qa'iman bil qist, c'est-à-dire établi sur la justice, établi sur la justice. Al qist, ça veut dire la justice, al adl en arabe. Al qist, ça veut dire la justice. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il établit tout par la justice. Toute chose est établie par Allah en toute justice. Et la justice, c'est le contraire de l'injustice. C'est le contraire de l'oppression, de l'injustice, du fait de d'opprimer et de faire de, du tort. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il est un juge qui est juste, hein, et il ne peut, il ne peut se produire de sa part que de la justice, en toute chose, hein. Et la justice aussi, c'est pas comme certaines personnes parfois s'imaginent, que pour être juste, il faut être égal avec tout le monde et dans toute chose. Parce que la justice, c'est une chose, et l'égalité, c'est autre chose. Et parfois d'être juste, ça implique qu'on doit être inégal. Et parfois d'être égal, hein, ça implique une injustice. Donc il faut connaître la différence entre ces deux choses-là et ne pas mélanger entre les deux. Hein? Donc c'est, dans toute chose, il y a la justice, il y a, hein, on doit prendre en considération ces choses-là et on ne va pas mettre des inégalités ensemble, sinon on crée de l'injustice. Donc le cheikh, il dit ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala, il a établi le témoignage avec justice. Ce témoignage-là, il est basé sur la justice. Et rien ne mérite d'être adoré excepté lui. La ilaha illahu ta'kidun lil jumlatil ula. Allah, il répète une deuxième fois. Et rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Ça, c'est pour confirmer la première phrase. Parce qu'il le dit au début. Après, il le redit encore une fois. Pour confirmer, et il termine le verset en disant Al-Aziz al-Hakim Isman lillah Azza wa Jal Yatadamminan sifatayn min sifatihi Wahuma al-Izzah wal-Hikmah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il termine le verset en disant qu'il est le Tout-Puissant et le Sage. Ce sont deux d'entre les noms d'Allah qui comprennent deux de ses attributs et de ses caractéristiques, c'est-à-dire la puissance et la sagesse. Ensuite, le cheikh explique la parole, la suite de la parole du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il dit ma'naha, c'est-à-dire sa signification. La signification de quoi? La signification de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La signification, il dit ma'naha, la ma'bouda bihaqqin illallah. La ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. وإلا الله مثبتا العبادة العبادة له وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه. Donc c'est la signification de la ilaha illallah, c'est que rien n'a le mérite d'être adoré ou ne mérite d'être adoré excepté Allah. La ilaha, rien ne mérite d'être adoré, c'est une négation. Une négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Illallah, c'est l'affirmation. L'affirmation que l'adoration doit être uniquement pour Allah, seul, et qu'il n'a aucun associé, aucun partenaire dans l'adoration, dans son adoration. De la même manière que Allah n'a pas de partenaire dans son royaume, et dans son pouvoir, et dans sa création, il n'a pas de partenaire aussi dans l'adoration. Il ne partage pas son pouvoir, il ne partage pas son royaume, il ne partage pas ce qu'il a créé avec d'autres, donc il ne partage pas son adoration avec d'autres non plus. De la même manière. Hein? Donc ça c'est... Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ça c'est de comprendre les deux catégories de tawhid. Le tawhid dans l'adoration et le tawhid dans la souveraineté et dans, hein, le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et na'am. Donc, le cheikh explique maintenant ce verset-là, ou bien cette parole-là plutôt. Il dit قوله معناها لا معبود بحق إلا الله أي معناها لا إله إلا الله فليس كما يقول أهل الباطل لا خالق ولا رازق إلا الله لأن هذا توحيد ربوبية يقر به المشركون وهم لا يقولون لا إله إلا الله قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. آلهتنا أي معبوداتنا لشاعر مجنون يعنون الرسول صلى الله عليه وسلم وصفوه بالشعر والجنون لأنه قال لهم قولوا لا إله إلا الله ونهاهم عن عبادة الأصنام. لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. يحسبون الآلهة متعددة. Donc le cheikh explique que la parole ici, quand le cheikh explique que la signification de la ilaha illallah, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, ça signifie la ilaha illallah. Donc il dit, et non pas comme le disent les gens de la fausseté, les gens de l'égarement. Ils disent que la ilaha illallah, ça signifie il n'y a de créateur excepté Allah, il n'y a de pourvoyeur de subsistance excepté Allah. En voulant dire, personne ne donne la subsistance excepté Allah, personne n'a créé, ne crée excepté Allah. Le cheikh il dit, ça c'est uniquement une des catégories de tawhid qu'on appelle le tawhid dans la rububiyya, c'est-à-dire le tawhid, l'unicité d'Allah dans la souveraineté. Et ça, même les idolâtres et les polythéistes, ceux qui adoraient plus qu'une divinité, à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils reconnaissaient cette catégorie de tawhid déjà. Ils connaissaient ça et ils reconnaissaient ça et ils l'acceptaient déjà. C'est-à-dire que lorsque on leur disait, parce qu'ils ne voulaient pas dire la ilaha illallah, les mouchrikoun, à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils refusaient catégoriquement de dire la ilaha illallah. Ils voulaient absolument pas dire cette parole. Pour eux, c'était impossible de dire cette parole. Ils refusaient complètement de la dire. Et pour quelle raison ils refusaient de le dire? C'est parce qu'ils avaient compris qu'est-ce que ça signifie. Ils avaient compris sa signification. Ils savaient qu'est-ce que ça voulait dire et qu'est-ce que ça impliquait. Et à cause de ça, ils ont refusé de le dire. Pourquoi? Ils ont dit, Allah il mentionne dans le Coran, versets 35 et 36 dans Surat As-Saffat, إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. Lorsque ceux-là, lorsqu'on leur disait, dites la ilaha illallah, dites rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, ils s'enflaient d'orgueil. Et ils disaient, est-ce qu'on va abandonner nos idoles, nos divinités pour un poète fou? Pour ce que dit un poète fou? Astaghfirullah. Ça c'est la parole que, qu'est-ce que ces gens-là disaient? Alihatina. Qu'est-ce que ça veut dire alihatina? Ça veut dire qu'est-ce qu'on adore? Est-ce qu'on va abandonner ce qu'on adore pour un poète fou? Un poète, ils veulent dire qui? Un poète fou, ils parlent du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont décrit par la poésie, alaykoum salam wa rahmatullah, par la poésie et la folie. Pourquoi? Ils l'ont décrit pourquoi comme ça? Parce qu'il les appelle à adorer Allah seul et à dire rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Il leur a interdit d'adorer les idoles. Il leur a interdit d'adorer les idoles. Alors à cause de ça, ils l'ont traité de poète fou. Et qu'est-ce qu'il dit? Le cheikh, il explique que les mouchrikoun, ils savaient ça déjà. Si la signification de la ilaha illallah, ça voulait dire il n'y a de créateur excepté Allah, eh bien, les mouchrikoun, ils n'auraient pas refusé de dire la ilaha illallah. Voilà. Ils n'auraient pas refusé. Parce qu'ils savaient déjà ça. Et ils étaient déjà d'accord avec ça. Mais la preuve qu'ils savaient ce que ça voulait dire, que ça ne voulait pas dire il n'y a de créateur que Allah, ils savaient que ça ne voulait pas dire ça, ils savaient que ça voulait dire il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah. La preuve dans le verset qu'on vient de lire. Ils disent au prophète A inna la tariku alihatina. Est-ce qu'on va abandonner ce qu'on adore? Est-ce qu'on va abandonner nos alihas? Hein? Est-ce qu'on va abandonner les Aliha? Aliha, c'est quoi? Aliha, c'est le pluriel de Ilah. Aliha, c'est le pluriel de Ilah. A'inna la tariku alihatina. Est-ce qu'on va abandonner nos Aliha? C'est-à-dire, est-ce qu'on va dire la ilaha illallah? Est-ce qu'on va dire la ilaha illallah en disant la ilaha illallah? Ça veut dire qu'on doit abandonner nos divinités. On doit abandonner ce qu'on adore en dehors d'Allah. Donc, est-ce qu'on va dire la ilaha illallah et ainsi, par la suite, abandonner ce qu'on adore en dehors d'Allah pour un poète fou? Hein? C'est ça que ça signifie. Donc, ils ont compris ça. Ils savaient que ça ne voulait pas dire il n'y a de créateur excepté Allah. Eux-mêmes, quand on leur demandait qui a créé les cieux et la terre, ils disaient c'est Allah. Allah, il dit dans le Coran, wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ard. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, la yaquluna Allah. Ils vont dire c'est certes Allah. Donc, est-ce qu'ils vont refuser de dire la khaliqa illallah? Est-ce qu'ils vont refuser de dire il n'y a de créateur excepté Allah? Ils ne vont pas refuser de le dire, puisque à chaque fois ils le disent. À chaque fois qu'on leur demande qui a créé les cieux et la terre, ils disent Allah. Donc pourquoi ils vont refuser de dire il n'y a pas de créateur excepté Allah? Ils ne vont jamais refuser de dire ça. Qu'est-ce qu'ils vont refuser de dire? Ils vont refuser de dire rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Ils disent « A'inna la tariku alihatina li sha'irin majnoun » Est-ce qu'on va abandonner nos idoles et nos divinités pour un poète fou? C'est la preuve qu'ils savent que la ilah, ça ne veut pas dire la khaliq. La ilah, ça ne veut pas dire la khaliq. La ilah, ça veut dire la ma'boud. Rien qui est adoré, bihaq, en toute vérité, excepté Allah, ou qui mérite d'être adoré, excepté Allah. C'est ça ce que ça signifie. Donc, لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب يحسبون الآلهة متعددة. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh ici? Il dit, et lorsqu'on leur disait, dites, la ilaha illallah, dites, rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah. Ils disaient quoi? Ils disaient, est-ce qu'il va faire de toutes nos divinités une divinité unique? C'est-à-dire, on va cesser d'adorer toutes nos divinités, on va adorer que lui, que Allah seul, pas nos divinités, on va les laisser, puis on va adorer seulement Allah. Ça, c'est quelque chose d'étonnant. Donc, ils savent que la ilaha illallah, ça implique de leur part de cesser d'adorer autre que Allah et de rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc, ceux qui prétendent aujourd'hui que la ilaha illallah, ça veut dire la khaliqa illallah, ils sont dans l'erreur totale. Et ils n'ont même pas compris le tawhid. Et les mushrikoun de Quraysh avaient mieux compris le tawhid qu'eux. Ils comprenaient mieux ce que la ilaha illallah signifiait qu'eux. Et pourtant, vous avez des gens aujourd'hui qui sont des docteurs en sharia, des docteurs en islam, qui sont des plus grandes universités, les plus reconnus dans le monde musulman aujourd'hui, et quand tu leur demandes la signification de la ilaha illallah, ils vont te dire la khaliqa illallah, la raziqa illallah. Il n'y a pas de créateur excepté Allah. Il n'y a pas de personne, il n'y a personne qui donne la subsistance excepté Allah. Alors que ça, même les mushrikoun de Quraysh, ils le reconnaissaient. Hein? Et ils l'affirmaient. Et ils n'étaient pas en conflit avec ça. Ils n'étaient pas en conflit à ce sujet-là avec le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que les mushrikoun de Quraysh, ils connaissaient mieux le tawhid et ils comprenaient mieux ce que ça impliquait que les soi-disant docteurs et savants de ces catégories-là aujourd'hui. Hein? Pourquoi eux, ils le font? C'est-à-dire? Parce qu'ils ont été... Parfois, ils ont été induits en erreur de différentes façons, pour différentes raisons. Parce qu'ils sont rentrés dans ce qu'on appelle la philosophie, ilm al-kalam. Et eux, ils croient que le tawhid, ça signifie d'affirmer que Dieu existe et qu'il est unique. et que ça se limite à ça. Donc, leur défi, leur problème, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? C'est d'affirmer l'existence d'Allah et de prouver qu'il est unique, qu'il n'est pas multiple ou divisé. Ça, c'est là les débats des philosophes. Ça, c'est les débats de qui? Des gens du kalam, des gens de la parole, hein? Des philosophes. Et eux, ils disent ça de cette façon-là, la khaliqa illallah, ou bien même parfois certains, ils le traduisent en français, la ilaha illallah, au lieu de dire rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, ils le traduisent en disant, il n'est de Dieu que Dieu. Ou il n'est, hein? Tu vois, il n'est de créateur que Dieu. Il n'est de maître que Dieu. C'est pas ça que ça veut dire la ilaha illallah. La différence, c'est quand tu dis rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, ça implique que si quelqu'un adore d'autre que Allah, par exemple, si quelqu'un adore Isa ibn Maryam, ou si quelqu'un adore, par exemple, Jésus, ou Marie, ou quelqu'un adore une croix, ou une statue, ou une idole, ou le soleil, ou la lune, ou les arbres, ou les pierres, hein, ou il y a quelqu'un qui adore Bouddha ou d'autres, et bien quand il va dire rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, le créateur, et bien ça veut dire qu'il doit abandonner, arrêter d'adorer ces choses-là et qu'il doit se mettre à adorer Dieu seul, hein? Mais quand tu dis il n'est de Dieu que Dieu, ça implique pas cette signification-là. Ça n'implique pas que quelqu'un soit obligé d'arrêter d'adorer autre que Allah. C'est pour ça que tu vois aujourd'hui des soufis et d'autres. Ils disent « La ilaha illallah ». Et ils disent, ça signifie « La khaliqa illallah ». Il n'y a pas de créateur excepté Allah. Pourquoi ils disent, ça veut dire qu'il n'y a pas de créateur excepté Allah? Parce qu'ils veulent continuer à adorer les tombes, à adorer les saints, à adorer les morts, à prier les prophètes, à prier au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à demander à Sidi Foulan, à Sidi un tel, à Sidi un tel, hein, aller à la tombe de tel homme pieux, aller à la tombe de l'autre, puis il lui demande. Il dit non, j'ai pas contredit le tawhid, parce que je dis, la khaliqa illallah, il n'y a pas de créateur excepté Allah, et lui je dis pas qu'il est le créateur, donc j'ai le droit de lui demander en dehors d'Allah. A'udhu billah. C'est-à-dire que si tu demandes à quelqu'un puis que tu ne crois pas qu'il est le créateur, ça veut dire que c'est correct. Mais si tu lui demandes et que tu crois qu'il est le créateur, là c'est shirk. Mais si tu ne crois pas qu'il est créateur, c'est pas shirk? Non. Même les mouchrikoun à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand ils adoraient les idoles, ils savaient que ces idoles-là, elles n'ont rien créé. Hein? Ils savaient que ces idoles-là n'ont rien créé du tout. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. C'est-à-dire, ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur profiter. Et ils disent, ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Ça, c'est le shirk. Tu prends des intermédiaires entre toi et Allah. Tu dis, non, ce n'est pas eux qui ont créé. Ils ne peuvent rien nous nuire. Ils ne peuvent pas nous profiter. Ils ne peuvent pas nous nuire. Et ils n'ont rien créé. Mais on leur demande de nous rapprocher d'Allah. D'intercéder pour nous auprès d'Allah. Ça, c'est le shirk. C'est ça le shirk qu'ils faisaient. Donc, quand tu dis La ilaha illallah et que tu connais sa signification, ça veut dire que tu dois t'arrêter de faire le shirk. Et rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, même si c'est un prophète, même si c'est un ange, même si c'est un saint. Hein? Même si c'est un homme pieux, tu ne vas pas l'adorer ou lui demander quoi que ce soit en dehors d'Allah. Tandis que si tu dis, ça veut dire rien, il n'est de créateur que Allah, c'est vrai que rien, il n'y a pas de créateur excepté Allah, c'est vrai. Sauf que ce n'est pas suffisant. Et ce n'est pas ça la signification de la ilaha illallah. Hein? Donc ça, c'est important de comprendre ça. Hein? Parce que sinon, tu tombes dans l'idolâtrie et le shirk. Hein? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, même les chrétiens, ils disent, ah, ceux-là sont des... Ils parlent des hindous. Les chrétiens, ils parlent des hindous, ils disent, les hindous sont des polythéistes. Les chrétiens disent, les hindous sont des polythéistes. Et eux, non. Hein? Subhanallah. Alors que pourtant ils adorent Jésus, ils adorent Marie, ils adorent les saints, hein, et ils leur prient, ils leur invoquent des prières, ils leur offrent des prières, hein, ils leur demandent de les guérir, de les sauver. Et en plus, ils adorent les anges, ils prient à des croix, à des statues, à des icônes, ils mettent des porte-bonheur, des croix, des choses, hein. Tout ça, ils font toutes ces formes de shirk là, et ils disent, nous on n'est pas des polythéistes, c'est les hindous les polythéistes. Alors qu'ils font la même chose que les hindous. Les hindous, ils disent, on adore Vishnu, Lingam, Krishna, hein, Rama, et les autres divinités hindoues, Ganesh ou autres. Parce que, ils disent, parce que Dieu est entré dans ces hommes-là, dans ces choses-là, dans ces animaux-là. Donc on les adore. Et les chrétiens, ils disent, nous on adore Jésus parce que Dieu est rentré dans Jésus. C'est la même chose que les hindous. La même chose, pas de différence. C'est juste le nombre qui est différent peut-être. Ou le nom des personnes qui est différent. C'est pour ça que les hindous, ils ont rajouté Jésus dans leur divinité. Ils disent, c'est une de nos divinités. Oui. Tu vas aller dans certaines maisons des hindous, tu vas trouver les photos de Krishna, de Rama, Vishnu et tout, Lingam, Ganesh et tout, puis à côté tu vois une photo de Jésus, de Marie. Comme si pour eux c'est acceptable. Si tu peux accepter les autres, tu peux accepter ceux-là aussi. Hein? Ça, y a pas, pour eux, il n'y a pas de contradiction, Yanni. Hein? Eux, ils disent, Dieu, les hindous disent Dieu a plusieurs fils, plusieurs manifestations, plusieurs avatars. Et les catholiques ou les chrétiens ils disent non, il a une seule manifestation, c'est Jésus. Mais c'est tout du shirk pour nous. Pour nous, sont tous des polythéistes. Non? Oui. Non. Si quelqu'un qui est vivant, ok, puis moi je vais aller voir par exemple quelqu'un, je considère que cette personne-là c'est un homme qui est pieux. Je m'en vais le voir puis je lui dis, est-ce que tu peux faire un doua, tu demandes à Allah pour moi. Ça c'est correct. Mais le problème de certains musulmans parfois, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont demander à quelqu'un de prier pour eux alors qu'il est déjà mort dans sa tombe. Là, ça c'est pas correct. Hein? S'il est mort, alors là tu vas aller à sa tombe, tu dis fais des doigts pour moi, ça c'est shirk. Et les chrétiens ils font ça. Ils disent dans une prière que tous les catholiques connaissent, les Sainte Marie, Mère de Dieu. Regardez le coffre et le shirk dans cette prière. Sainte Marie, Mère de Dieu. Yani Mariam, il l'appelle Yani Ummullah. Yani la Mère de Dieu, la Mère d'Allah. Alors, comme si Allah il avait une mère. Donc, si Dieu avait une mère, ça veut dire qu'il est précédé par quelque chose. Et lui, il n'est pas le premier. Donc, ça c'est coffre. Et ça veut dire que sa mère est plus grande que lui aussi. Ça c'est coffre, Yani. Hein? Et Yani d'attribuer ces choses-là, alors que Allah il dit lam yalid wa lam yulad. Hein? Il n'est pas engendré, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Hein? Donc, il dit Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Aujourd'hui, il répète ça encore aujourd'hui. Priez pour nous pauvres pécheurs. Tu demandes à Marie de prier pour toi alors qu'elle est morte dans sa tombe et qu'elle attend son jugement. Hein? Non, elle ne peut rien faire pour elle-même. Aujourd'hui, là, en ce moment, elle ne peut rien faire pour elle-même, pour se sauver. Hein? Elle ne peut rien faire pour elle-même aujourd'hui. Alors, comment est-ce qu'elle pourrait faire quelque chose pour quelqu'un d'autre? Hein? Ça, c'est des gens qui parlent comme ça, c'est des gens qui ne connaissent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et c'est ça le shirk. Donc, yani. Le cheikh il dit ensuite donc, eux ils pensent que les divinités sont multiples. Et c'est pour ça qu'ils refusaient de dire la ilaha illallah. Donc ça c'est la preuve que ceux qui disent aujourd'hui qu'il n'y a pas de créateur excepté Allah et que c'est ça la signification de la ilaha illallah, c'est la preuve qu'ils sont dans l'erreur totale. Hein? Le cheikh dit فدل أن معناها لا معبود بحق إلا الله ولو كان معناها لا خالق ولا رازق إلا الله فإن هذا يقرون به ولا يمارون فيه فلو كان هذا معناها ما امتنعوا من قول لا إله إلا الله لأنهم يقولون إذا سئلوا أو إذا سألوا من خلق السماوات نعم لأنهم يقولون إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض يقولون الله إذا سئلوا من الذي يخلق من الذي يرزق من الذي يحيي ويميت ويدبر الأمر يقولون الله وهم يعترفون بهذا فلو كان هذا معنى لا إله إلا الله لأقروا بهذا ولكن معناها لا معبود بحق إلا الله donc le cheikh il dit ici il résume tout ce qu'on vient d'expliquer maintenant tout ce qu'on vient d'expliquer tout à l'heure cet exemple il le dit ici les mouchriquoun si on leur demande qui a créé les cieux et la terre ils disent que c'est Allah si on leur demande qui a créé, ils disent que c'est Allah qui donne le risque, ils disent que c'est Allah qui fait vivre et qui fait mourir, ils disent que c'est Allah qui yani, gère toute l'affaire, ils disent que c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc, tout ça c'est mentionné dans plusieurs versets. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله hein? Donc ça c'est le verset bien connu dans lequel Allah mentionne toutes ces choses là il leur pose la question qui fait ça qui fait ça qui fait ça qui fait ça à la fin ils vont dire Allah alors أفلا تتقون فقل أفلا تتقون c'est dans surat dans surat Yunus surat Yunus il y en a dans plusieurs versets où Allah subhanahu wa ta'ala mentionne cette chose là donc le cheikh il dit ils reconnaissent cette chose et ils reconnaissent que c'est Allah le créateur donc c'est pas ça la signification de la ilaha illallah. Il n'y avait pas de conflit là-dessus. Il n'y avait pas de conflit au sujet de la création et de ces choses-là. La rububiyya, c'est quelque chose qu'ils acceptent. Le problème, c'est dans al-uluhiyya, dans l'adoration. Et c'est pour ça que la signification de la ilaha illallah, c'est rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Hein? Maintenant, vous allez dans les livres des gens de Kalam, des philosophes qui écrivent des livres qui parlent du tawhid et de la foi en Allah et des choses comme ça, écrits par certains docteurs qui viennent de certaines universités islamiques aujourd'hui, et puis vous avez des grosses discussions et des longs débats au sujet de ces questions-là. Qu'est-ce que signifie la ilaha illallah? Et ils vont donner plein d'opinions. Un tel a dit, ça veut dire ça. Un tel a dit, ça veut dire ça. Un tel a dit, ça veut dire ça. L'autre a dit, ça veut dire ça. L'autre a dit, ça veut dire ça. Et l'autre, il a dit, ça veut dire ça. Mais l'autre, il lui a répondu, non, ça peut pas vouloir dire ça. Parce que si ça voulait dire ça, ça veut dire ça. Hein? Des débats comme ça. Et des débats sans mentionner les preuves du Coran et de la Sunna. Seulement des débats basés sur la philosophie. Et la soi-disant logique d'Aristote et des Grecs. Au lieu de retourner au Coran pour comprendre qu'est-ce que signifie le Coran, il retourne à des philosophes grecs ou bien à des philosophes soi-disant islamiques pour essayer d'interpréter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est pas comme ça qu'on comprend la parole d'Allah. Le cheikh il dit لو قلت لا معبود إلا الله هذا غلط كبير لأن المعبودات كلها تكون هي الله تعالى الله عن هذا ولكن إذا قيدتها وقلت بحق انتفت المعبودات كلها إلا الله لا بد أن تقول لا معبود حق ولا معبود بحق إلا الله ثم بين ذلك على لفظ الكلمة لا إله النفي للعبودية عن ما سوى الله وإلا الله هذا إثبات للعبودية لله وحده لا شريك له donc le cheikh explique que tu dois pas dire la ma'bouda illallah la ilaha illallah ça veut pas on le traduit pas en se disant la ma'bouda illallah si Si tu dis la ma'bouda illallah, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu le traduis tel quel, la ma'bouda illallah, ça veut dire, il n'y a rien qui est adoré excepté Allah. Ou bien, il n'y a pas de divinité excepté Allah. Le cheikh a dit cette traduction-là, ou cette signification-là, elle est fausse. Elle est fausse pourquoi? Parce que ça voudrait dire que tout ce que les mouchrikoun adorent en dehors d'Allah, c'est Allah. Et il y a des gens, parmi les gens d'égarement aujourd'hui, ils disent ça. Mais tu vois? Oui, parce que eux ils disent la ma'bouda illallah dans le sens que tout ce qui existe est Allah. Hein? C'est ça l'égarement. Les soufis, ils croient en qu'est-ce qu'on appelle wahdatul wujud. On en a parlé déjà. Wahdatul wujud, ça veut dire que tout ce qui existe c'est Allah. Et que tout est Allah. Et Allah est tout. Il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature. La créateur, c'est la créature, et la créature, c'est le créateur. Les deux sont une seule et même chose. Et on ne peut pas distinguer entre les deux. Ça, c'est la parole des soufis, comme Ibn Arabi, et Al-Hallaj, hein, et Ibn Sab'in, et Ibn Al-Farid, et d'autres. Et il y en a beaucoup d'entre les soufis, Shurq, des Turq soufis, ils croient en ça. Hein? Parmi ceux qui ont été des fondateurs de ces Turq, ils affirment cette idée, comme Ahmed Tijan et d'autres aussi. Hein? Donc, ça veut dire quoi? Pour eux, tout ce qui existe, c'est Allah. Donc, si tu adores une statue, une idole, un ange, tu adores les vaches, les. Hein? Tout ça, c'est Allah, de toute façon. Donc du moment que tu reconnais que tout est Allah, donc tu fais pas, c'est pas du shirk. Le shirk c'est quand pour eux? Le shirk pour eux c'est quand tu fais une distinction entre le créateur et la créature. Là tu as commis du shirk. Parce que tu as dit, il y a plus qu'une chose qui existe, il y a deux choses. Le créateur et la créature. Le tawhid pour eux c'est de dire qu'il y a une seule chose qui existe, c'est Allah. Rien d'autre. Ça c'est le kufr, c'est ça le kufr. Donc eux quand ils disent la ma'bouda illallah, c'est ça que ça signifie, c'est pas correct. Il faut le limiter en disant rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. C'est-à-dire il n'y a de divinité qui mérite d'être adoré excepté Allah. Il faut rajouter qui mérite ou en vérité, sinon ça n'a pas le sens voulu. Le cheikh explique, il dit, donc, quand on dit en vérité ou qui mérite, là, on vient nier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc, il faut absolument dire la ma'bouda haqq illallah ou la ma'bouda bi haqqin illallah. Thumma, et ensuite, le cheikh il explique que la ilaha, c'est la négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et illallah, c'est l'affirmation que c'est uniquement Allah qui doit être adoré, lui seul, et qu'il n'a pas de partenaire ou d'associé. Ensuite, le cheikh il dit, فَلَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ تَشْتَمِلُ عَلَى نَفْيٍ وَإِثْبَاتٍ لَا بُدَّ فِي التَّوْحِيدِ مِنَ النَّفِي وَالْإِثْبَاتِ لَا يَكْفِي الْإِثْبَاتِ وَحْدَهُ وَلَا يَكْفِي النَّفِي وَحْدَهُ بَلْ لَا بُدَّ مِنَ النَّفِي وَالْإِثْبَاتِ كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله يعني واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا قلت فلو قلت الله إله فلو قلت الله إله هذا لا يكفي اللات إله والعزى إله ومنات إله وكل الأصنام تسمى آلهة فلا بد أن تقول لا إله إلا الله فلا بد من الجمع بين النفي والإثبات حتى يتحقق التوحيد وينتفي الشرك. Donc le cheikh il explique que il faut qu'il y ait la négation et l'affirmation, les deux ensemble. il faut les réunir. On ne peut pas faire une affirmation seulement, puis on ne peut pas faire une négation seulement. Il faut, pour que le tawhid soit affirmé, qu'il y ait la négation et l'affirmation ensemble. Donc le cheikh il dit, le tawhid, il faut absolument donc qu'il y ait les deux, la négation et l'affirmation. Il mentionne le verset, les versets qui mentionnent et qui prouvent ça. Comme par exemple le verset qui dit « فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّارُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ » C'est-à-dire celui qui renie le tarout. Le tarout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc celui qui renie le tarout et qui croit en Allah. Donc il faut nier le tarout et croire en Allah. Il faut les deux, la négation et l'affirmation. Il faut aussi dans l'autre verset « وَعْبُدُ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا » C'est-à-dire « et adorer Allah » et n'associe rien avec lui. Adorer Allah, ça c'est l'affirmation, et n'associe rien avec lui, ça c'est la négation. Il faut l'affirmation et la négation, les deux ensemble. Donc si quelqu'un disait seulement Allah est une divinité, ça c'est une affirmation, mais c'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait aussi la négation. De dire que Allah est une divinité, c'est vrai, mais il faut nier la divinité de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah pour que ce soit vrai dans son sens correct et qu'on ait établi le sens du tawhid et qu'on ait nié le shirk. Le shirk, il mentionne ensuite la preuve de cette explication-là du tawhid. On a dit tout à l'heure qu'il y a des gens de kalam, quand ils écrivent des livres sur la religion, sur la croyance, sur le tawhid, comme les Asha'ira, les gens de la secte des Asha'ira, ils écrivent des livres sur le tawhid et sur l'explication de la foi en Allah. Eh bien, ils philosophent, hein, ils vont ramener des philosophies différentes, des opinions différentes, puis ils débattent comme ça en se basant sur leur logique. Eh bien, le cheikh, il nous montre que non, c'est pas comme ça qu'on doit parler à propos d'Allah. Si on veut affirmer quelque chose ou prouver quelque chose à propos de l'islam ou de la foi ou de la croyance en Allah, il faut se baser sur la révélation, sur les preuves du Coran et de la Sunna. Et là, il va faire ça en expliquant la preuve de cette interprétation pour le témoignage de la ilaha illallah. Donc il dit wa tafsiruha allazi yuwaddihuha qawluhu ta'ala wa idh qala ibrahim li abihi wa qaumihi إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. Le verset 26 à 28 dans sourate Az-Zukhruf. Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh il mentionne, il dit donc l'explication du témoignage de la ilaha illallah qui vient clarifier sa signification, c'est dans la parole, dans le verset 26 à 28 dans Sourate Az-Zukhruf. Et lorsque Abraham a dit à son père et à son peuple, je me désavoue de ce que vous adorez, excepté de celui qui m'a créé, car lui, il me guidera certes. Et il a fait de cette parole quelque chose qui reste après lui pour qu'il puisse revenir. Donc le cheikh, donc, il mentionne ce verset-là qui nous explique, qui nous donne la signification de la ilaha illallah. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit donc que la ilaha illallah, c'est une information qui vient expliquer, ici le verset, il vient nous expliquer qu'est-ce que le verset signifie, ou qu'est-ce que le témoignage signifie. Et la meilleure façon d'interpréter le Coran, c'est de se référer au Coran. Parce que le Coran interprète le Coran. Et le Coran clarifie le Coran. Et le Coran explique le Coran. Le Coran s'explique lui-même. Donc, si tu veux savoir, le cheikh il dit, خَيْرُ مَا يُفَسِّرُ الْقُرْآنَ الْقُرْآنَ فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَسَّرَهَا اللَّهُ فِي الْقُرْآنَ وَذَلِكَ فِي قَوْلِ الْخَلِيلِ عليه الصلاة والسلام فيما ذكر الله عنه إنني براء هذا النفي لا إله إلا الذي فطرني يعني إلا الله. هذا الإثبات. هذه الآية تفسير معنى لا إله إلا الله تماما، أو تفسر، أو هي تفسير للا إله إلا الله، تفسير معنى لا إله إلا الله تماما. Donc le cheikh il dit la meilleure interprétation du Coran c'est par le Coran lui-même. Et donc la ilaha illallah, Allah il l'a expliqué dans le Coran et il l'a interprété lui-même dans le Coran. Il nous a dit qu'est-ce que ça veut dire. Et c'est lorsqu'on voit la parole d'Ibrahim al-Khalil alayhi salatu wassalam, lorsque Allah mentionne en disant que il dit innani bara, c'est-à-dire je suis innocent et je me désavoue complètement. Ça c'est la négation. C'est comme si tu disais la ilah, rien ne mérite d'être adoré. Illa alladhi fatarani, excepté celui qui m'a créé. C'est-à-dire je n'adore rien, je me désavoue de tout ce que vous adorez, excepté de celui qui m'a créé. Fa innahu sayahdin, parce que certes lui il me guidera. Ça c'est la preuve que le peuple de Ibrahim, le père et le peuple de Ibrahim, ils adoraient Allah. Ils adoraient Allah, mais ils adoraient d'autres dieux avec, d'autres idoles, d'autres statues avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Ibrahim alayhi salam, dans ce verset, il mentionne qu'il se désavoue de tout ce que son peuple adorait, excepté de celui qui l'a créé, c'est-à-dire excepté d'Allah. Parce que c'est lui qui le guide, c'est lui le vrai, c'est lui qui mérite réellement d'être adoré. On voit donc que ce verset dans Surat Az-Zukhruf, dans lequel on voit la parole d'Ibrahim à son peuple, on voit que cette parole, elle est exactement en concordance avec le témoignage de la ilaha illallah. Hein? Innani bara, ça veut dire la ilaha, illa alladhi fatarani, ça veut dire illallah. C'est la négation et l'affirmation. Donc, ça explique ce verset-là. Donc, nous, Inch'Allah, on va s'arrêter aujourd'hui à cet endroit et on va continuer, Inch'Allah, samedi prochain, la suite de cette interprétation et de cette explication-là au sujet du témoignage et des preuves de ce témoignage dans le Coran. Il n'est de Dieu que Dieu. Oui, donc ceux-là, il faut leur enseigner la vraie signification de la ilaha illallah. Parce que cette traduction qu'ils font en disant il n'est de Dieu que Dieu, ou il n'est de Dieu que Dieu, ou des choses comme ça, ça c'est une traduction qui est incorrecte, incomplète, hein, et qui n'a pas une réelle signification qui vient en conflit avec ce que faisaient les mouchriquines. Tu regardes par exemple, l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec son peuple. Et quand il vient vers eux pour leur dire la ilaha illallah, est-ce que son peuple était fâché contre lui à cause de cette parole que rien, il n'est de Dieu que Dieu? Est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu voir Quraysh, il leur a dit il n'est de Dieu que Dieu, et que c'est ça qui a mis Quraysh en colère? Non, puisque ils étaient déjà d'accord avec ça. Il n'est de Dieu que Dieu. Tout le monde est d'accord avec ça. Même les chrétiens, même les juifs. Donc ça ne leur pose pas de problème. Même les hindous, parfois, tu vas leur dire il n'est de Dieu que Dieu. Ils vont dire, oui, c'est vrai. Il y a un créateur, il y a un maître tout puissant. Puis les autres, c'est des petits dieux. On les prend comme des intermédiaires. Mais non, c'est pas ça. Ça veut dire, rien ne mérite d'être adoré. C'est-à-dire, il n'y a rien à qui on doit offrir des actes d'adoration, excepté à Allah seul. Si on offre des actes d'adoration à autre que à Allah seul, on a commis le shirk. Avec Allah, on est devenu un mushrik. Même si la chose à qui on offre des actes d'adoration, c'est un prophète, ou un ange, ou un homme pieux, hein, ou une tombe, ou une image, ou une idole, ou des choses comme ça.